Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de RGM, 107 MHz. L'émission du lundi soir, calendrier des esclavages et des libérations. Alors, tout d'abord, une petite revue de presse. Et puis, il y aura ensuite une série d'enregistrements. Sur des sujets divers et variés, pris sur des médias divers et variés, et puis également le calendrier, bien entendu, du 26, du 27 et du 28 mai. Voilà, calendrier des esclavages et libérations. Le 26 mai. Le 26 mai 1525, en Allemagne, la ville de Mühlhausen était à la tête, qui était à la tête de la révolte paysanne, se rend aux féodaux. Les féodaux. Il n'y a plus de féodaux en 2019 en France. Ben non. 1871, France. Paris est en feu. Thiers refuse d'échanger le seul Blanqui contre tous les prisonniers politiques faits par la Commune. 52 otages des communards sont massacrés par une foule furieuse. 1907, France. Manifestation de 250 000 vignerons à Carcassonne. 1933, Autriche. Dissolution du Parti communiste. 1952, Afrique du Sud. Début de la campagne contre les lois injustes. Plus de 8500 opposants sont arrêtés pour refus de se soumettre aux lois de l'apartheid. 1968, France. Poursuite des négociations rue de Grenelle à partir de 17h. 1981, France, après 7 mois d'occupation, Manu France de Saint-Étienne repart. 450 ouvriers reprennent le travail contre les décisions du tribunal. 1984, Japon, à Yokosuka, manifestation de plusieurs dizaines de milliers de personnes pour protester contre l'installation en juin de missiles de croisière américains Tomahawk. Yokosuka est un port près de Tokyo, où mouille habituellement la 7e flotte US. Le 27 mai, 27 mai 1525, Allemagne, Thomas Münzer et Henri Pfeiffer sont décapités aux portes de Mühlhausen. Leurs corps et leurs têtes empalées sont exposés. 1797, France, Gracchus Babeuf, révolutionnaire qui préparait la conspiration des égaux, est condamné à mort. Il se poignarde en plein tribunal. 1848, France. Les ouvriers deviennent électeurs et éligibles au prud'homme. 1871, France. Les fédérés sont assiégés par les Versaillais au cimetière du Père-Lachaise. Les Versaillais, quelle saleté les Versaillais, au cimetière du Père-Lachaise. 1600 d'entre eux sont tués au combat ou fusillés contre le mur que l'on appelle aujourd'hui le mur des fédérés. Les Versaillais, c'était des collabos, des fachos. Les fachos de l'époque. Voilà. 1905, en Suisse, le numéro 1 du journal Prolétari paraît à Genève sous la responsabilité de Lénine. Ben oui, Lénine, il a fait son apprentissage en Europe de l'Ouest, en Suisse, France. Bon, 1915, Arménien, Turquie. Une loi accorde toute liberté aux autorités pour supprimer toute résistance et déporter les populations des villages suspects de trahison. Elle sera utilisée avant tout contre le peuple arménien. 1926, Maroc. Capitulation d'Abdelkrim après le soulèvement du Maroc espagnol. Elle met fin à la République du Rif, 1921-1926, mais non aux opérations militaires. 1941, France. Malgré l'occupation allemande, 120 000 mineurs du Nord et du Pas-de-Calais sont en grève, protestant contre les difficultés de ravitaillement, l'insuffisance des salaires et la présence nazie. Voilà des gens qui étaient très, très, très courageux. Hein ? Serait-on capable actuellement d'en faire autant ? Serait-on capable ? 1943, France. Première réunion du Conseil national de la résistance, rue Dufour. Alors, dans ces réunions du Conseil national de la résistance, on a parlé notamment de préparer la France d'après-guerre, c'est-à-dire la sécurité sociale, la nationalisation de l'électricité, de EDF, du rail, etc. La sécurité sociale, les caisses de retraite, les allocations familiales, etc. Et Jean Moulin est mort en partie à cause de ces réformes-là, en voulant mettre sur pied ces réformes-là. Et maintenant, nos gouvernements sont en train de casser tout ça. Donc, nos gouvernements actuels sont en train de tuer Jean Moulin une deuxième fois. Suisse, donc, Arménie-Turquie, France, première réunion du Conseil national de la résistance, rue Dufour, 1943. 1951, Autriche, Théodore Körner, maire socialiste de Vienne. Ancien commandant des milices populaires, est élu président de la République. Ben oui, parce qu'il y a eu des résistants aussi en Allemagne et en Autriche. Ben oui, bien sûr, dans ces pays-là, surtout, il y a eu des résistants au départ, avant qu'il y en ait chez nous. Ben oui, parce que nous, on a été occupés que plus tard. 1967, Australie. Les Australiens votent à 90% en faveur d'un changement de la Constitution, donnant la citoyenneté aux aborigènes. 1968, France, à 7h30, fin des négociations de Grenelle. Les accords prévoient une hausse des salaires de 10 à 15%. Vous rendez compte ? Hausse des salaires de 10 à 15% dans l'industrie et les services. Le taux horaire du SMIC est porté à 3 francs. Les agriculteurs et les ouvriers agricoles peuvent en profiter. Les syndiqués pourront se réunir une fois par semaine pendant le temps de travail. Ces accords sont discutés dans de nombreuses entreprises et rejetés par la base. Au stade Charletti, à un meeting organisé par l'UNEF et le PSU, Parti Socialiste Unifié, ça voulait dire à l'époque. Et l'UNEF, c'était Union Nationale des Étudiants de France. Rassemblant 30 000 personnes, André Barjonnet déclare, deux points ouvrant les guillemets, c'est lui qui parle, « Aujourd'hui, la révolution est possible, mais il faut faire vite ». Très vite. La révolution est possible, mais il faut faire vite, très vite. On pourra en dire autant en 2019, je pense. 1980, Corée du Sud, le mouvement populaire de Gwangju est réprimé férocement. L'armée attaque la ville. 10 jours de combat feront 200 morts et 1100 blessés. 1981, Pologne. À la clôture du Festival de Cannes, la Palme d'Or est attribuée à Andrzej Wajda, pour son film réalisé dans la foulée des accords de Gdansk, « L'homme de fer », symbole de l'ouvrier héroïque de l'été polonais. 1984, Uruguay. La journée nationale de protestation contre la dictature, organisée par le front d'opposition au régime militaire, est suivie massivement par la population. Massivement, c'est à noter ça, massivement. Thank you. Le 28 mai. 28 mai 1637, en France, 10 000 croquants prennent les villes d'Aimé et de Sauvetat dans le Périgord. 10 000, vous rendez compte, 10 000 croquants. 10 000 gilets jaunes, on pourrait dire maintenant. Hein? Eh oui. 1848, Guadeloupe. Suite à la libération des esclaves en Martinique, le gouverneur signe l'acte d'émancipation pour les esclaves de l'île. Un arbre de la liberté, existant encore aujourd'hui, est planté à Basse-Terre. 1871, France. À Paris, fin de la semaine sanglante, les dernières barricades de la Commune, rue du Faubourg du Temple et rue Ramponneau tombent. Eugène Varlin, 1839-1871, membre de l'Internationale, est dénoncé, lynché et fusillé. Il restera une des figures les plus pures de l'ouvrier révolutionnaire et du communiste anti-autoritaire. Thiers assiste à une messe d'action de grâce à Saint-Louis. Il télégraphie au préfet « L'ordre, la justice, la civilisation ont enfin remporté la victoire. » Vous voyez comme ils sont, c'est les gens de droite. « La semaine sanglante est terminée, mais la répression légale, commence. Quelques 50 000 arrestations, 4 000 exécutions, des milliers de déportations en Nouvelle-Calédonie. Mais la Commune restera le symbole le plus vivant de la lutte de la classe ouvrière pour sa libération. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. » Dit la chanson. 1895, Congo. Léopold II, roi des Belges, est déclaré roi du Congo. 1931, Espagne. Les pêcheurs de Pararis sont en grève. La garde civile intervient, faisant 4 morts et de nombreux blessés. 1935, Espagne. Lors des événements d'Iveste, la garde civile tue 17 paysans. 1936, France. Le mouvement de grève du Front populaire atteint les 35 000 ouvriers de l'usine Renault et s'étend à toute la région parisienne. 1961, Grande-Bretagne. Fondation d'Amnesty International. Dans l'Observeur de Londres, Ben Henson appelle à une campagne internationale pour l'amnistie des prisonniers politiques. L'amnistie des prisonniers politiques. Chaque groupe de sympathisants doit adopter 3 prisonniers et s'efforcer d'obtenir leur libération. Le premier doit être un détenu du monde communiste, le second dans un pays occidental et le troisième dans un pays du tiers-monde. La date choisie est le dimanche de la Trinité, de façon à ce que cette fête religieuse prenne une nouvelle signification laïque. 1974, Espagne. Journée de lutte à Barcelone, avec la participation de 25 entreprises, groupant 8 000 ouvriers. Les entrepreneurs continuent, cependant, à refuser de prendre en compte les revendications. Ben voilà, ça vous étonne? Ou pas. 1981, Maroc. Le gouvernement décide l'augmentation effarante des denrées de première nécessité. Sucre, 112%, j'allais dire 11,2, non, 112%, huile, 107%, lait, 200%, beurre, 246%. Oh, quel beau pays, quel beau pays, qu'il est bon le roi quand même, qu'il était bon le roi de ce temps-là. Thank you. Alors donc, quoi de neuf dans la presse ces jours-ci? Eh bien, le vendredi 10/5/2019, il était question de la grève de la manifestation des fonctionnaires dans la rue pour défendre le service public. 350 fonctionnaires, dit le journal, se sont mobilisés ce jeudi après-midi pour manifester contre la réforme de la fonction publique. Le cortège a pris le départ sous la pluie à 14h depuis la préfecture pour rejoindre la place des Vosges en passant symboliquement devant les bâtiments de la fonction publique. Voilà. Alors donc là, ça bouge un peu, ça bouge pas assez, mais ça bouge quand même. Ensuite, Besançon, fait divers, saisie record de 11 tonnes de cannabis sur l'A36. Une quantité astronomique de drogue, 11 tonnes de résine de cannabis, a été saisie il y a 4 jours dans un poids lourd intercepté sur l'A36 dans le secteur de Besançon à la suite d'une enquête policière au long cours, du jamais vu depuis 20 ans en France. 4 individus ont été interpellés. Alors, 11 tonnes de cannabis, je me souviens qu'il y a une trentaine d'années, quand les policiers et les douaniers saisissaient 60 grammes de cannabis, c'était la prise de la semaine, sinon la prise du mois ou peut-être même de l'année. Donc ça veut dire que les gens auraient tendance à se droguer de plus en plus. Oui, on favorisait peut-être d'une certaine manière la vente du pinard à certaines époques pour droguer le peuple, hein. Et maintenant, peut-être que l'on facilite, tout en faisant semblant de lutter contre, le commerce d'autres drogues. Ah oui. Pour gouverner tranquille, je crois que c'était un empereur romain qui disait, Néron, il me semble, qui disait qu'il fallait donner au peuple, c'était simple pour gouverner tranquille, c'était, il suffisait de donner au peuple du pain et des jeux. Voilà. Hein. Bon. On nous amuse, on nous distrait, et puis on nous donne juste de quoi vivre, de quoi survivre, et voilà, moyennant quoi, on est censé la fermer, les laisser faire ce qu'ils veulent. Les jeunes de Remiremont s'évaporent. Tiens, vous avez déjà vu quelqu'un s'évaporer, vous? Bon, enfin, passons. Alors ça, c'est Vosges Matin du lundi 13 mai 2019. Donc, les jeunes de Remiremont s'évaporent. Si le portrait robot du Romarimontin moyen prend les traits d'une retraitée, c'est d'abord et avant tout parce que les jeunes, qu'il s'agisse d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes, ont boudé la cité des Chanoines. Ah. En très peu de temps, en l'espace de 5 ans plus exactement, selon les chiffres avancés par l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, où sont les jeunes? En 2010, la tranche des 15-29 ans représente 19,4% de la population romarimontaine, alors qu'en 2015, elle n'est plus que de 17%, soit une baisse de 12%. Où sont partis les jeunes? Alors si on continue cette courbe-là, baisse de 12% entre 2010 et 2015, en 5 ans, si on fait la même chose qu'en 2019, hein? Parce qu'on est à l'aube de 2020, 2019 c'est déjà dans la poubelle quasiment, hein, et il n'est plus que de 17%. Donc on peut estimer que sur de 19,4, on est passé de 10 à 17. Bon, de presque 20 à 17, ça fait 3%. En 2020, ça sera 13%, hein, 14%. Voilà. Ben oui, ben c'est. Que voulez-vous qu'ils fassent les jeunes à Remiremont? Il n'y a pas de travail. Remiremont est une des villes des Vosges de France qui a le plus de chômage. Ben oui, à part l'hôpital, qui est l'employeur numéro un, quels sont les employeurs à un peu la ville? Hein? Ben oui, mais tout le monde ne peut pas être employé de la ville, hein, de cette ville-là du moins. Où sont partis les jeunes? Impossible de déterminer avec précision. Toujours est-il que la tendance est là et la chute importante pour cette catégorie. Alors rappelons quand même que le problème numéro un de la société française, eh bien c'est le chômage. Le chômage. Et je rappelle que le chômage, 6 millions de chômeurs en France en 2019, eh bien on a déjà connu ce problème-là. C'était en Allemagne en 1932. En 1932, Hitler se présente aux élections, il a fait 24% des voix, Et après un peu d'agitation avec les SA, les sections d'assaut, les chemises brunes, ils ont cassé quelques vitrines, ils ont fait quelques dégâts, et ils ont affolé un peu plus encore la population allemande qui a voté pour l'ordre. L'ordre, hein. Et ceux qui faisaient le désordre, ben c'est eux qui étaient censés représenter l'ordre, hein. Voilà, allez comprendre. Eh bien, en 1933, ils ont voté à une presque la majorité. En tout cas, c'était le parti nazi qui était arrivé là, en tête. Et Hitler s'est vu remettre le pouvoir par le maréchal Hindenburg, qui avait dit qu'il ne serrerait jamais la main à cet individu. Eh bien, non seulement il lui a serré la main, mais il lui a serré la main en public et il lui a remis les clés du pouvoir pour 12 ans. 12 ans, le temps d'armer l'Allemagne, de fabriquer des blindés, des Stuka, des bombes, etc. Et puis des camps de concentration aussi, et de déclencher une deuxième guerre mondiale. Voilà, 12 ans. 12 ans de fascisme, 12 ans de nazisme, à cause du chômage. À cause du chômage. Alors, nos gouvernants, ils feraient bien de faire attention où ils mettent les pieds, parce qu'on les tiendra responsables, chacun d'eux, personnellement, de ce qui va arriver, de ce qui risque d'arriver, et de ce qui peut-être est en train d'arriver déjà. Hein, 6 millions de chômeurs, imaginons que 6 millions de chômeurs sortent dans la rue le même jour, à la même heure, ça ferait du bruit, ça ferait du monde. Hein, oui. Bon, voilà, il faudrait que ces gens-là, ils se rendent compte que c'est eux qui ont le pouvoir. Eux, voilà, et personne d'autre. Et que tous les financiers, les banquiers, les politiciens réunis, ils ne font pas le poids en face de 6 millions de chômeurs. Ils ne pèsent pas lourd. Hein. Alors, autre chose, revirement social. Tiens, légère baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Ah, ah, ah, ah, ah. Vous voyez, c'est un peu le contraire de ce qui était dit à l'article précédent, apparemment. Apparemment, disons-le. Les chiffres sont à prendre avec des pincettes. Ah, ben voyez bien. Le nombre des demandeurs d'emploi baisse sur le bassin d'emploi de Remiremont. Eh ben oui, ils s'en vont ailleurs, alors ils sont plus inscrits comme demandeurs d'emploi sur la place de Remiremont. Eh oui. Une très légère baisse du chômage sur un an qui ne vient pourtant pas contrebalancer l'évolution sur 5 ans qui augmente, elle, de près de 7%. Voilà, alors donc, attention au chômage, même si vous faites tout ce qu'il faut pour qu'on n'en parle pas du chômage, messieurs les politiciens d'occasion, d'opérette ou de métier, eh bien, le chômage, c'est quelque chose de très dangereux. Le chômage, c'est quelque chose qu'il faut manipuler lorsqu'on, comme quand on manipule un obus qu'on est chargé de désamorcer. Hein, un obus qui est enterré dans le sol, qui est pas mal rouillé, on voit plus la couleur de la fusée, on sait pas si c'est un obus anglais, américain, allemand, de la guerre de 14, de 39-45, est-ce qu'il faut essayer de dévisser la fusée dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens, ou est-ce qu'il faut surtout pas y toucher parce que à peine on y touche, ça explose immédiatement, voilà. Eh bien, le chômage, c'est comme ça. C'est quelque chose de très, très, très dangereux. Alors c'est très dangereux pour les chômeurs, c'est très dangereux pour leurs familles, leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est très dangereux pour leur voisinage, c'est très dangereux pour le pays en général, mais c'est très dangereux également pour les financiers et les politiques. Pour les financiers et les politiques aussi, c'est dangereux. Eh oui, quand les alliés ont bombardé par exemple la ville de Hambourg, eh bien, la population de Hambourg, les ouvriers de la métallurgie, les pêcheurs, les marins-pêcheurs, etc., ont été écrasés sous les bombes. Hein. Mais le banquier du coin de la rue, et peut-être qu'il a reçu des éclats lui aussi. Ah oui. On peut être à l'origine de grandes saloperies et puis en être également victime. Ah, ça peut arriver. Oui. Oh, mais ça arrive même assez souvent. Voilà. Alors, patrimoine, finance, les dons pour Notre-Dame ne sont pas encore concrétisés. Tiens, oui, la majeure partie des dons pour la construction de Notre-Dame n'ont pas encore été concrétisés. Ah, il y a des gens qui disent, qui promettent, et puis qui tiennent pas forcément leurs promesses. Mais bon, on est habitué, hein, on ne va quand même pas faire les difficiles, on sait. Ou alors, si on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas envie de savoir. Hein, parce que maintenant, quand même, on est de plus en plus impardonnable de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Hein, Patrick Balkany, Alors, Patrick Balkany, hein, là, c'est pareil. Si on ne sait pas, si on ne croit pas, si on ne... Eh ben, on est difficilement pardonnable, quand même. Patrick Balkany se déchaîne contre le fisc. Pour sa troisième journée de procès, Patrick Balkany, qui comparaît devant la justice pour des accusations de fraude fiscale, a chargé le fisc. Eh ben oui, il charge le fisc. Eh oui, il les accuse peut-être de ne pas avoir fait leur travail assez tôt et de ne pas l'avoir arrêté que quand il n'avait volé que quelques millions. Eh, ils ont entendu qu'il y ait trop de millions volés pour le charger, ou que enfin ils reçoivent des ordres d'intervenir. Jusqu'à présent, ils avaient peut-être ordre de ne pas intervenir. Eh ben oui, c'est comme ça. Vous savez, la justice, elle est complètement indépendante de l'exécutif et du législatif, totalement. Ah oui, oui, totalement indépendante. Sauf que quand même, de temps en temps, voilà, il y a des liens. Il y a des liens. La commune honore le sacrifice du soldat François Nadal à Cap-Avenir-Vosges. Alors Cap-Avenir-Vosges, je sais pas si vous savez où c'est. Moi, je ne sais pas. Regardez sur la carte, on ne sait pas. Bon, c'est un nouveau truc qui a été inventé il n'y a pas longtemps. Alors, un protocole particulier, hors date nationale, s'est déroulé à l'entrée du pont de Girmont en venant de Thaon samedi. Il s'agissait à Thaon, voilà, c'est à Thaon. Il s'agissait de dévoiler la plaque honorant le premier soldat tombé pour la libération de Thaon-les-Vosges lors de la Seconde Guerre mondiale. Eh oui, parce que pour libérer le sol national, les Vosges, Thaon-les-Vosges, Raon, Saint-Dié, etc., etc., il a fallu que des soldats soient tués. Eh oui, des Allemands qui ont empêché les libérateurs d'avancer et les libérateurs qui étaient visés et tués, blessés par les Allemands. Eh oui, voilà. Alors donc une guerre, il faut pas la commencer parce que on ne sait pas quand elle finira, on ne sait pas comment elle finira, mais on sait que de toute façon, ce sera du tragique de A jusqu'à Z. Voilà. Alors si c'est ça qu'ils ont inventé pour résoudre le problème du chômage, comme dans les années, comme en 14-18, comme en 39-45, eh ben c'est une belle bande de salopards, de criminels. La vidéosurveillance, c'est paradoxalement un plan tranquillité qui a le plus animé les débats du conseil municipal tenu ce jeudi soir. Alors c'était pas à Birmont, c'était à Épinal. Voilà, en particulier le volet concernant le développement de la vidéoprotection qui ne fait pas l'unanimité. Voilà, pas l'unanimité. Ah ben oui, bon, on va mettre des caméras un petit peu partout, mais rassurez-vous ou inquiétez-vous suivant ce que vous pensez, à Remiremont, des caméras, il y en a déjà pas mal, hein. Oui, si monsieur Attel est vu par dans la rue en compagnie de madame machin, ah ben oui, ça fait partie des... Bon, ben, c'est comme ça. Vive les caméras, pour pister la dangerosité des citoyens. Ken Loach salue les gilets jaunes. Déjà deux fois couronné par la Palme d'Or, le cinéaste du social dresse avec Sorry Me, We Missed You, le déchirant portrait d'une famille modeste et endettée qui travaille dur sans jamais réussir à s'en sortir. Ken Loach n'a jamais quitté le côté gauche du cinéma. Il ne cesse d'observer comment le libéralisme, c'est-à-dire le capitalisme, détruit les petites gens. Ce n'est pas qu'il soit pessimiste, c'est surtout qu'il regarde frontalement le réel de la classe ouvrière et de la classe moyenne et constate les dégâts. Les déclassés d'Angleterre qu'il filme, s'ils étaient en France, s'appelleraient les Gilets jaunes. Voilà, les Gilets jaunes et les autres qui sont font pas partie des Gilets jaunes parce qu'ils n'osent pas, parce que, voilà, hein. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien aller avec les gilets jaunes, mais bon, voilà, il y a la belle-mère qui regarde derrière ses carreaux et puis qui fait des gros yeux. On fait pas, hein, ben, quand même, hein. Alors, justice, fraude fiscale, là, tiens, de nouveau, il est question de prison ferme requise contre Patrick Balkany. Le procureur national financier a requis ce jeudi 4 ans de prison avec mandat de dépôt. Ah oui, mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'on lui met les menottes pour sortir du tribunal et qui va directement en prison. À l'encontre de Patrick Balkany, le maire LR, c'est-à-dire les Républicains, c'est comme ça qu'il s'appelle, Moi, je trouve que certains ne sont pas trop républicains, mais enfin, bon, l'étiquette, qu'importe l'étiquette, ce qui compte, c'est le flacon qui est en dessous, de Levallois-Perret pour fraude fiscale. Et bon, parfois, l'étiquette est terrible, et le contenu de la bouteille est pire encore. Pour fraude fiscale, le parquet a également réclamé une peine de 10 ans d'inéligibilité contre l'élu. Voilà, oh, des braves gens, toi. Des braves gens pour tout ça. Et dire que certains ont voté pour eux. Eh oui, eh oui, eh oui. Orban, nouveau roi de Hongrie. Le premier ministre hongrois pratique un nationalisme jaloux de sa souveraineté, toujours en bataille contre Bruxelles, avec les migrants en ligne de mire. Et il défie le couple franco-allemand en affirmant, 15 ans après l'élargissement de l'Europe, que le modèle à suivre est désormais à l'Est. À Besançon, affaire Péchier, 24 empoisonnements, dont 9 mortels. Pour le procureur qui s'est exprimé ce jeudi, le docteur Péchier est le, entre guillemets, dénominateur commun de 17 nouveaux empoisonnements volontaires commis entre 2008 et 2016, qui s'ajoutent aux 7 premiers cas initiaux. Le suspect a été mis en examen dans la foulée, mais nie toujours son implication. Ah, le brave docteur, ben oui, voilà. Les nouveaux nuisibles. Piral Dubuis, processionnaire du chêne, ambroisie, rien à voir avec le sujet précédent, hein. Ambroisie, ces nouvelles espèces invasives se développent depuis quelques années dans les Vosges. Si le printemps signe le retour du beau temps, il marque aussi le début de nombreuses invasions d'insectes et de plantes nuisibles, souvent difficiles à éradiquer. Les terrasses à Remiremont. Les terrasses du centre, une économie pour la commune. Oh, c'est peut-être une plaisanterie, hein. C'est pas le canard enchaîné pourtant. C'est Vosges Matin de page de Remiremont du vendredi 17 mai 2019, Remiremont Société. Donc les terrasses du centre, une économie pour la commune. La plupart des restaurants et des bars ont déjà ressorti leurs terrasses alors que les premiers signes de l'été se sont fait sentir. Derrière ces occupations du domaine public, on trouve la mairie qui chapeaute tout. Ah, eh bien, oui, beaucoup de monde aux terrasses des cafés. Je me rappelle d'un monsieur, un homme politique d'envergure locale et nationale, qui regrettait qu'il y ait plus de monde aux terrasses des cafés à Remiremont que dans la bibliothèque et dans les musées. Hein? Eh oui. Ben, il avait une petite préférence pour la culture, lui. Voilà, en tout cas, à ce qu'il disait. L'herbicide le plus utilisé au monde, Roundup, de Monsanto, reste le produit le plus connu avec qui contient du glyphosate. 8 800 tonnes de glyphosate ont été vendues en 2017. 8 800 tonnes dans l'Hexagone, rien qu'en France, selon le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. En volume, les produits à base de glyphosate représentent environ un tiers des herbicides. Alors, rappelons, est-ce que c'est bien de le rappeler? Peut-être pas, peut-être que je ne devrais pas, hein, que Monsieur François de Rugy est un ancien écologiste avant d'être ministre. Hein, il était écologiste, oui. Écologiste. Bon, peut-on se fier? 2018, aux États-Unis, première condamnation liée au glyphosate. Bayer est condamné à 78 millions de dollars d'amende et de dommages et intérêts. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. Si les consommateurs, si les victimes des produits que l'on nous vend en nous faisant croire qu'ils ne sont pas dangereux ou même qu'ils sont utiles pour notre santé, pour notre vie en général, eh bien, si ces gens-là sont traduits en justice, c'est un sacré, sacré progrès. C'est un progrès à peu près équivalent à la prise de la Bastille en 1789 par les révolutionnaires, hein, ou à peu près. 2019, en France, tiens, 2019, ça rime avec 1789, au cas où. 2019, en France, les particuliers ne peuvent plus utiliser de pesticides de synthèse depuis le 1er janvier. Le Roundup, actuellement commercialisé, ne contient plus de glyphosate. Bon, promis juré. Emmanuel Macron semble revenir sur sa promesse de 2017. Macron qui revient sur une de ses promesses. Estimant irréaliste l'abandon du glyphosate à court terme. Aux États-Unis, troisième procès perdu par Bayer condamné à une amende de 2 milliards de dollars. Troisième procès perdu par Bayer aux États-Unis, condamné à une amende de 2 milliards de dollars. Et s'il y avait suffisamment d'Américains et d'Européens, etc., qui portaient plainte contre Bayer, c'est-à-dire qui vient d'acheter Roundup, là, la boîte américaine, eh bien, Bayer se retrouverait peut-être en faillite. Et ça serait bien fait pour eux, parce que Bayer a fabriqué dans les années 30 et 40 beaucoup de substances qui ont servi au régime nazi pour faire la guerre. Ouais. Alors Bayer, champion de la chimie. Ah, la chimie, c'était très important entre 1940 et 1945. Très important. Très important pour l'histoire du monde de l'époque et pour les années qui ont suivi. Emmanuel Macron, donc, le semble revenir sur sa promesse de 2017, estimant irréaliste l'abandon du glyphosate à court terme. Eh bien, tiens, on va l'inscrire aussi sur la liste des responsables, personnellement. Hein. Aux États-Unis, troisième procès perdu par Bayer, condamné à une amende de 2 milliards de dollars. Le groupe allemand est visé par plus de 10 000 procédures outre-Atlantique. En France, plusieurs milliers de personnes ont également porté plainte. Eh bien, bravo, c'est courageux de leur part et c'est surtout un acte très, très civique, très utile. Alors, revirement, l'espace santé du pays poursuit son rayonnement. Ah, la radioactivité, non, le rayonnement dans le bon sens du terme, dans le sens positif du terme. Les membres du comité du pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Remiremont ont évoqué ce mardi l'espace santé qui jouxte le centre hospitalier, un lieu original, qui commence à s'exporter dans tout le département des Vosges. Tiens, on exporte à l'intérieur du département. Oui, ce sont des exportations. Je croyais que les exportations, c'était quand on vendait quelque chose à l'étranger. Le vocabulaire évolue. Oui. On s'est bien mis au franglais de plus en plus, pourquoi pas. Alors, premièrement, les naissances et les décès de la semaine. Alors, il y a 9 naissances. Zéro de Remiremont, hein. Il n'y a pas de... Ben non, les jeunes, ils sont partis, alors évidemment, ils vont faire des enfants ailleurs qu'à Remiremont, bien sûr. Eh ben oui, c'est normal, mettez-vous à leur place. S'il n'y a pas de travail à Remiremont, eh bien, ils vont ailleurs, hein. Voilà. Ou peut-être il y a du travail, peut-être, parce que il n'y en a pas beaucoup plus ailleurs qu'à Remiremont, d'ailleurs, hein. Du travail, Remiremont, les projets du ministère de la Santé, c'est de supprimer 100 ou 200 emplois, je ne sais plus si c'est à Remiremont ou si c'est à Épinal, ou moitié-moitié, ou deux tiers, un tiers, il va y avoir des emplois supprimés à l'hôpital, alors que l'hôpital est le principal employeur de la ville de Remiremont. Hein, oui, c'est difficile de gouverner sans déplaire à certains quand même, hein, sans faire du mal, sans faire sans blesser quiconque. Ben oui, commander, c'est souvent donner des ordres qui vont blesser des gens. Alors, les décès, il y a eu 8 décès, dont un de Remiremont. Donc, à Remiremont, on ne vient pas à Remiremont pour naître, on ne vit pas à Remiremont pour avoir des enfants à Remiremont. On vient à Remiremont parce qu'il y a la maternité, il y a encore la maternité à Remiremont. Pour combien de temps ça, laissons passer les élections, on verra après. Et puis, 9 naissances et 8 décès. Ça s'équilibre, quoi, la population de Remiremont, elle ne serait peut-être pas tout à fait à la baisse autant qu'on l'imagine. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée quand même, et voilà, et prochaine fois, sans doute. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, si mi la ré sol do fa. Cette petite cantate, fa sol do fa, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais là malhabile, si mi la ré sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon, je joue, tu chantes, chante, chante là pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, quelle est difficile cette cantate. cantate sans toi, une petite prière, la la la la, avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts, une petite prière, sans un signe de croix, quelle offense Dieu le Père, il me le pardonnera. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Similare, similare, si sol do fa. La Terre. Sur notre planète, la Terre, l'homme dispose de très vieilles sources d'énergie bien cachées. Il y a des millions d'années, des matières organiques, des végétaux, des animaux marins se sont décomposés au fond des mers. Des millions d'années pour que des matières organiques se transforment en pétrole et en gaz, en énergie fossile. Puis, les arbres des forêts entières se sont décomposés à leur tour, génération après génération. Loin, tout au fond de la Terre, des millions d'années pour que des forêts se transforment en énergie fossile. Oui, des millions d'années pour que naissent le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Des énergies qui ne se renouvelleront plus jamais. Depuis peu, l'homme a su trouver au fond de la Terre ces énergies qui ne se renouvellent plus. Voici l'histoire de ces énergies non renouvelables. À partir d'une énergie fossile, comme le pétrole, l'homme a pu faire avancer des véhicules et produire de l'électricité. C'est vrai, c'est bien pratique. Mais plus on roule en voiture à essence et plus on consomme de pétrole. Mais grâce aux énergies fossiles, l'homme peut surtout alimenter des centrales pour produire de l'électricité. Et l'électricité, tout le monde en a besoin, les usines et les hommes. Les usines sont très, très, très gourmandes en électricité. Elles dévorent énormément d'énergie fossile. Du pétrole, miam, miam. Du gaz, miam, miam. Du charbon, miam, miam. Mais voilà, plus les centrales consomment les énergies fossiles, et plus elles rejettent des déchets. Pétrole, gaz, charbon. Pollution, pollution, pollution. Alors l'homme, qui n'est pas si bête, s'est dit qu'il fallait trouver autre chose. En utilisant les propriétés d'un minerai rare, mais hélas non renouvelable, l'uranium. Il a réussi à construire des centrales électriques nucléaires qui ne polluent pas. Mais si l'uranium n'est pas une énergie fossile, c'est un minerai dont on ne sait pas vraiment se débarrasser une fois qu'on l'a utilisé. Rendu radioactif après son utilisation, il devient extrêmement dangereux pour l'homme. Brrr. Énergie fossile, pollution. Énergie nucléaire, pollution. Mais pourquoi les utilise-t-on? Eh bien, parce que les énergies non renouvelables ne coûtent pas si cher, même si elles ne sont pas éternelles. Alors l'homme, qui est quand même intelligent, s'est dit qu'il fallait, sans aucun doute, faire attention à sa consommation d'énergie et s'intéresser davantage aux énergies qui ne polluent pas. Les énergies renouvelables. N'est-ce pas grâce aux énergies renouvelables que l'on pourra, un jour, préserver notre belle planète, la Terre? Thank you. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'État de santé. Nous sommes ici dans la maison du poumon, la fondation du souffle, un cadre idéal pour parler du diesel. Avec cette question qu'on pose aujourd'hui, est-ce qu'on va vers un scandale sanitaire? Est-ce que ceux qui diabolisent ce carburant aujourd'hui ont des raisons, des bonnes raisons de le faire? Ben, on le saura. On le saura avec précision à la fin de cette émission grâce à vous. Bonjour Thomas Bondrel. Bonjour. Vous êtes radiologue. On regarde votre portrait. À tout de suite. Thomas Bourdrel est médecin radiologue à Strasbourg. En 2014, il crée le collectif Strasbourg Respire. Son combat, s'attaquer aux idées reçues sur la pollution de l'air et faire comprendre que ses conséquences sur la santé ne se limitent pas à l'asthme ou aux allergies. Car selon l'OMS, 3/4 des décès liés à la pollution sont liés à des maladies cardiovasculaires. Merci encore d'être avec nous, Thomas Bourdrel. Vous êtes donc radiologue à Strasbourg depuis une dizaine d'années. Pourquoi vous êtes particulièrement intéressé aux méfaits du diesel ? Déjà aux méfaits de la pollution de l'air en général, en découvrant beaucoup plus de cancers du poumon en ville chez des non-fumeurs que ce que j'avais l'habitude de voir. Et cela a été confirmé par une étude qui a été faite à Strasbourg qui a montré que la pollution de l'air était responsable d'environ 10% des cancers du poumon. De quoi parle-t-on quand on parle de la pollution de l'air? Il n'y a pas que le diesel dont on va parler en particulier aujourd'hui, il y a des tas d'éléments. Il faut distinguer les particules fines, notamment les particules diesel, et les gaz. Ce qui actuellement pose le plus de problèmes en termes de santé publique, ce sont les particules fines, et dans les gaz, ce sont les oxydes d'azote. Dans la pollution de l'air, il y a qu'on respire en ville. Hein, il y a les industries, il y a le chauffage aussi. Oui. Il y a effectivement tout ce qui est la part du carburant, qui est sans doute la plus importante. Vous me le confirmez, tout dans la fait. Pollution de l'air dans les villes. Oui, il y a des variations en fait en termes de sources. En ville, le trafic va représenter jusqu'à 50% des particules fines et le trafic jusqu'à 60% des oxydes d'azote. Si vous allez dans la vallée de l'Arve, le chauffage au bois en hiver va devenir une des sources majoritaires. Donc ça va dépendre de la saison et du distinguo ville ou campagne. Ce qui est certain, c'est que le diesel reste une source constante d'émissions de particules fines et d'oxyde d'azote, et surtout en ville. Alors, de quoi parle-t-on, si vous me permettez, quand on parle du diesel? Petite fiche technique, tout de suite, regardez. Quand on met du diesel dans une voiture, le gazole est ensuite mélangé à de l'air. Ce mélange comprimé et chauffé repousse le piston, le moteur tourne et des gaz d'échappement sortent de la voiture. Ces gaz d'échappement contiennent du dioxyde de carbone et des oxydes d'azote, les NOx. Ce sont des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique, des gaz dont les émissions ont été truquées par des fabricants de voitures. Mais ce n'est pas tout. En plus des gaz, des particules ultra fines sortent également du pot d'échappement. Ces particules transportent à leur surface des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des HAP. Leurs effets toxiques sur la santé humaine sont prouvés. La plupart des HAP sont des cancérogènes avérés, responsables de pathologies pulmonaires et cardiovasculaires. Thomas Bondrel, vous nous avez dit le plus dangereux, ce sont les particules fines émises par le diesel et c'est cela peut-être notre principal ennemi en ville. Dites-moi tout de suite ce qu'il faut penser alors des particules fines qui ont été relevées très récemment sous nos pieds dans les villes, par exemple dans le métro. On a dit que là on respirait encore plus de particules fines qu'à l'air libre. Alors, il faut savoir et là, il n'y a pas de voiture souterrain. Hein. Il faut savoir que la pollution aux particules a changé. Avant, est-ce que l'on mesure encore? On mesurait les plus grosses des particules, ce qu'on appelle les PM10, qui sont les particules grosses. Ensuite, il y a les PM2.5, qui sont les particules fines. Et il y a celles encore en dessous, qui sont les ultra-fines. Les ultra-fines, sont les plus dangereuses? Ce sont les plus dangereuses, car elles vont pénétrer en profondeur dans l'organisme. Elles ne s'arrêtent plus au poumon. Elles passent dans votre système sanguin. Et de là, vont pouvoir gagner tous les organes de votre corps, et surtout le système cardiovasculaire. Et on sait maintenant que ces particules ultra fines génèrent des maladies cardiaques, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, ce qui n'était pas le cas de la pollution il y a plusieurs dizaines d'années. Et il faut savoir que ces particules ultra fines, c'est pas quelque chose de rare. 90% des particules qui sortent d'un véhicule actuellement, combien ? 90% sont des particules ultra fines. Et elles peuvent aussi, sauf erreur, générer ou en tout cas contribuer à l'émergence de maladies comme Alzheimer et Parkinson ? Tout à fait. Elles vont passer sur tous les organes, y compris dans le cerveau, soit par le système sanguin, mais également directement par ce qu'on appelle la lame criblée, c'est-à-dire que vous respirez, il y a une communication via cette lame criblée qui les fait communiquer directement dans votre cerveau. Et c'est à l'origine de maladies qu'on appelle neurodégénératives. C'est bien prouvé. Le plus inquiétant, c'est que ces particules ultra fines, ça a été démontré par l'INSERM, elles traversent le placenta et elles passent dans la circulation du fœtus. Ces particules entravent la circulation artérielle du fœtus. Donc les enfants sont moins alimentés, donc grandissent moins et grossissent moins. Vous diriez que c'est le polluant le plus toxique auquel est exposé notre organisme en ville aujourd'hui ? Actuellement, les particules ultra fines, oui, c'est ce qu'il y a de plus toxique. Presque aucun organe, semble-t-il, échappe à... Non, on en retrouve dans le foie aussi, on en retrouve dans tous les organes, et c'est vraiment l'enjeu de santé publique. Et il y a une grosse modification de conscience, puisque avant, c'est pour ça que les pneumologues étaient les principaux responsables de la pollution, parce que les particules étaient plus grosses, donnaient surtout des maladies respiratoires. Mais maintenant, comme tous les organes sont atteints, il y a vraiment tous les spécialistes de santé qui doivent être alertés. Et alors, en particulier, les cardiologues. Alors Thomas Bondrel, mais est-ce que vous avez des certitudes scientifiques des méfaits du diesel ? Qu'est-ce que vous avez, vous, comme preuve à nous apporter ? Nous, médecins, il y a, quand on regarde la littérature, il y a énormément d'articles scientifiques publiés. Il y en a plus d'une centaine depuis maintenant au moins 30 ans. Et qui démontrent tous des effets sur la santé de la pollution de l'air, notamment du diesel. Et il y a énormément de travaux nord-américains et qui ont publié dans les plus grosses revues internationales qui ont montré que vraiment les particules diesel attaquaient le cœur de façon très significative. Juste là, un schéma, par exemple, où on voit des rats, des artères de rats, trois rats qui sont exposés. Alors il y a trois rats différents là. Trois rats différents. Les artères de, oui, voilà. La première colonne ici à gauche, ce sont des rats qui sont exposés pendant 6 mois à de l'air filtré sans particules. Et la colonne ici, ce sont les mêmes rats, mais qui sont exposés pendant 6 mois à de l'air chargé en particules diesel. Là, si on les laisse encore 6 mois de plus, l'artère est bouchée. Si c'est l'artère qui va au cœur, ça vous donne un infarctus. Si c'est l'artère qui va au cerveau, ça vous donne un accident vasculaire cérébral. Alors, on nous dit qu'il y a diesel et diesel, Thomas Bondrel, qu'il y a les vieux diesels et les diesels, entre guillemets, propres. Ça peut peut-être vous faire sursauter, mais c'est comme ça qu'on nous le vend. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les vieux diesels et ceux, effectivement, qui sont, par exemple, qui ont des capacités de filtrage plus importantes? Alors, bien sûr que les vieux diesels sont les plus nocifs. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et le problème, c'est qu'une grande partie du parc automobile actuellement est composée de ces vieux diesels. Mais de là, l'énorme majorité. Voilà. Mais de là à dire que le diesel propre existe, ça, c'est complètement... Pour vous, c'est une confusion, c'est même de la désinformation. C'est un mensonge, je dirais même. Ouais. C'est un mensonge. Oui. On vous dit que les filtres vont filtrer 99% des particules. Oui. Déjà, c'est réalisé sur des conditions en laboratoire. Si vous les mesurez sur un diesel qui va accélérer, sur un moteur en ville, par exemple, même les constructeurs vous disent qu'un diesel n'est pas conçu pour rouler en ville. Alors, ce qu'on dit, c'est que le diesel qui roule, qui fait énormément de kilomètres dans l'année, il pollue beaucoup moins que c'est le diesel en ville qui, lui, voilà, finalement restera toxique. Voilà. C'est pour ça que moi, je suis là vraiment pour dire qu'il y a un problème spécifique du diesel, mais en ville. Si on gardait le diesel pour les longs trajets, quelque part, ça poserait peu de problèmes. Donc, c'est faux de dire que même les diesels récents ne polluent pas. Pourquoi ? Parce que ce qui sort, ce sont des particules ultra fines. Même s'il en sort moins, il en sort quand même. Et on a vu que ces particules ultra fines, elles touchent tous les organes, c'est les plus nocives. Pourquoi elles sont nocives ? Parce qu'à leur surface, elles vont contenir ce qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et surtout, ce que les constructeurs ne vous disent pas, c'est que ces hydrocarbures, ils sortent sous forme de gaz, pour lesquels les filtres n'ont aucun effet. Et à la sortie du pot d'échappement, quelques mètres après, ils vont pouvoir se recondenser en particules, surtout si la température est froide, donc l'hiver. Donc on va avoir une nouvelle formation de particules qui n'est pas prise en compte par les constructeurs parce qu'elles se forment après la sortie du pot. Ça, c'est le premier problème, c'est les particules. Voilà donc pour le dossier des Dieselgate. On a parlé beaucoup de technique depuis tout à l'heure, Thomas Bondrel. Vous, en tant que radiologue, qui percevez, qui mesurez tous les dégâts qui sont faits par la pollution et les carburants, ça vous met dans quel état d'esprit ? Vous êtes en colère ? Vous êtes écœuré ? Quel était votre état d'esprit ? Au départ, j'étais en colère, surtout de voir les patients venir et revenir, découvrir des cancers du poumon chez des non-fumeurs, découvrir le déni un petit peu des politiques et le décalage qu'il y avait un petit peu entre les nombreuses études scientifiques qui démontraient l'urgence de santé publique et vraiment l'absence de prise de conscience des pouvoirs publics. Déni des politiques. Alors, il faut qu'on s'y arrête parce qu'il y a quand même quelque chose d'incompréhensible, docteur. C'est que les pouvoirs publics, depuis des années, par un système de bonus-malus, encouragent, mais de façon inouïe, les automobilistes à acheter des diesels. Il y a vraiment des milliers d'euros de différence à l'achat entre une voiture essence et une voiture diesel. On pousse finalement les automobilistes, on les pousse dans les bras du diesel. Ça doit vous rendre fou. C'est complètement incohérent. Et pas comme moi. Et ce qui est fou, c'est de voir que dans les années 80, il y avait seulement 8% du parc qui était diesel. Oui. Que le CNRS a fait un rapport dans les années 90 en disant déjà qu'il ne fallait pas encourager le diesel, qu'il y avait déjà trop de preuves qu'il était cancérigène, que ce rapport n'a jamais été utilisé. Et qu'en 95, on a mis toutes les fiscalités pro-diesel et que maintenant, on se retrouve avec un parc à quasi 70% diesel. Alors, il y a une explication, c'est le CO2. C'est parce qu'on ne considérait que les méfaits du CO2 et pas des fameuses particules fines. Alors, il faut le dire que le CO2 n'est pas un gaz toxique pour l'homme, mais c'est un gaz à effet de serre. Voilà. C'est un gaz à effet de serre. Mais on a utilisé que celui-là pour le bonus-malus. Et surtout, là, l'ONG Transport Environnement, qui fait office de référence actuellement, vient de démontrer que même ça, c'était un argument qui n'était plus valable, qu'un moteur essence sur plusieurs années émettra autant de CO2 qu'un moteur diesel. En plus de ça, un moteur diesel émet 6 fois plus de NOx qu'un moteur essence. Et les NOx, donc les oxydes d'azote, sont des précurseurs d'ozone, qui est aussi un gaz à effet de serre. Donc il est même fort probable qu'en termes de réchauffement climatique, l'argument du diesel n'est également pas recevable. Mais encore aujourd'hui, sauf erreur, les pouvoirs publics privilégient le diesel. Oui, je pense que maintenant, il y a une espèce de conscience. Il y a aussi beaucoup de lobbying qui fait qu'il y a une désinformation. Ouais. On trouve dans beaucoup d'articles, on dit que les essences émettent des NOx et des particules fines. Mais un moteur essence émet 4 à 6 fois moins de NOx qu'un moteur diesel. Et surtout, même si les essences récentes émettent des particules fines, la composition de ces particules fines n'est pas la même qu'une particule diesel. Et ça, c'est important que les gens le comprennent. Et une particule diesel reste plus toxique en termes de composition qu'une particule essence. Thomas Bourdrel, les choses avancent. Il y a des maires. Alors, ça se passe à Paris, ça s'est passé à Strasbourg. Il y a quand même une prise de conscience sur le fait que le diesel doit être, surtout les vieux diesels, doivent être bannis au plus vite. Et même le gouvernement qui annonce en 2040 la fin des moteurs thermiques en France. Oui, ça avance, mais il faudrait qu'il y ait une gradation. Là, pour l'instant, on met sur le même pied diesel et essence, et ce n'est pas le même degré d'urgence. En 5 ans, on pourrait sortir déjà les vieux diesels, ceux qui sont à l'origine vraiment de l'essentiel de la pollution de l'air. Ça a été fait au Japon, dans certaines grandes villes. Avec une politique d'aide pour acheter l'électrique, mais par contre, les subventions étaient bien supérieures à celles. Les subventions actuellement sont insuffisantes. Les caisses de l'État sont vides, docteur. Oui. Mais en tout cas, à Tokyo, ils ont réussi. C'est pas votre sujet, c'est ce que je comprends. Ouais. À Tokyo, ils ont réussi à passer de quelques années à moins de 0,3% du parc diesel. Les résultats sont hallucinants. C'est sorti dans la revue Épidémiologie. En 10 ans, le taux de particules fines à Tokyo a baissé de 44%. La mortalité respiratoire a diminué de 22% et la mortalité par maladie cardiaque de 12%. Aucun traitement actuellement ne serait capable de faire baisser la mortalité cardio-respiratoire en 10 ans. On n'a rien qui pourrait faire ça. Est-ce que vous pensez qu'un jour, des patients vont se retourner contre l'État pour dénoncer l'inertie des pouvoirs publics dans la réaction face à ces dangers ? C'est le cas, il y a une action en cours. Mais je pense qu'il va falloir plusieurs actions. Ce qui fait bouger les choses le plus rapidement, c'est ce qui se passe dans certaines villes, notamment en Allemagne, où des gens portent plainte contre la ville. Vous pensez que les villes vont aller plus vite que les États ? Oui, et surtout, moi, ce qui me sidère et ce dont personne ne parle, c'est qu'au sein dans une même ville, vous avez des inégalités en fonction de votre lieu d'habitation. Si vous habitez près d'un gros axe, du périphérique, vous pouvez respirer à Paris un air 3 fois plus pollué que quelqu'un qui habite à côté du jardin du Luxembourg. Et ça, c'est inacceptable. Merci beaucoup, Thomas Bourdrel, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro d'État de santé. À très bientôt. Au revoir. Chanter sur tous les tons, y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi, de quoi donc. Madame, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau,

Tu nais prince à Buckingham et le lendemain, tu finis juste avec une mamie qui s'habille en vert pomme. Que les Anglais se rassurent, même si leurs députés n'assistent aux séances du Parlement que pendant 3 mois, ce sera toujours 3 mois de plus que Jean-Marie Le Pen. En France, faire campagne pour un truc qui va durer 3 mois et puis s'arrêter, on a tous connu ça, hein, avec les idées de gauche de François Hollande. C'est toujours déceptif, hein, regardez les Français qui organisent Roland Garros chaque année alors qu'ils ont déjà plus aucun joueur dès le second tour. C'est pareil. Mais les Anglais, ce sont des gens qui roulent à gauche, qui mangent de la gelée, qui font des paris sur le sexe d'un bébé. Et je ne suis donc pas étonnée qu'ils fassent campagne pour les Européennes dans un pays qui s'apprête à quitter l'Europe, ce qui revient à essayer de vendre un fer à lisser à Laurent Fabius. Sauf que là, il faut tout imprimer en urgence pour avoir des affiches, des tracts, des slogans, même ne serait-ce que des idées. Le porte-à-porte des candidats, c'est absolument magique. N'oubliez pas d'aller voter le 26 mai, hein. Bon après, bon, si vous oubliez, bah, on vous en voudra pas non plus, quoi, voilà. La même situation dans une entreprise privée, ça n'aurait aucun sens. Un salarié ne propose pas de faire des heures sup pendant son préavis de licenciement. Vous imaginez si on devait vivre cette situation en France? Déjà que l'enthousiasme est pas au top. Nathalie Loiseau devrait dire qu'elle voulait pas y aller, mais que c'est Macron qui a insisté. Et Glucksmann nous avouerait enfin que sa candidature est une caméra cachée. Voilà. Et plus absurde, bien qu'il y ait aucun enjeu pour cette élection, il y a encore des Britanniques pour s'intéresser aux résultats. Alors en France, on a le même genre de comportement avec ceux qui continue à suivre la Ligue 1 de football. Je conclurai en disant qu'après tout, des députés qui veulent se faire élire en sachant qu'ils ne tiendront pas leurs promesses, bon, ça nous change pas vraiment d'habitude. Hein. Merci, merci Charline Vanhoenacker. La Terre. Sur notre planète, la Terre, il existe des sources d'énergie inépuisables. Des énergies naturelles qui ne s'épuisent jamais. On les appelle les énergies renouvelables. Le vent ne s'épuise jamais quand il fait tourner les éoliennes. L'énergie éolienne se renouvelle sans cesse. Elle peut faire tourner des moulins et avancer des bateaux. Mais elle permet aussi de créer de l'électricité grâce à d'énormes éoliennes. La rotation des hélices alimente une turbine placée à l'intérieur qui produira du courant sans abîmer notre planète. L'homme devra peut-être s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. Des sources d'énergie qui se renouvellent sans cesse? Cherchons encore un peu. Mais oui, là où il y a de l'eau, des rivières et des lacs, il y a de l'énergie. L'énergie hydraulique qui produira de l'électricité grâce aux turbines des barrages, sans abîmer notre planète. Et l'homme s'est déjà habitué à la forme de ces nouvelles constructions. Mais cherchons encore un peu. Des sources d'énergie qui se renouvellent sans cesse. Là où il y a la mer, des courants et des marées, il y a de l'énergie. L'énergie marémotrice, naturelle et renouvelable, permet de produire de l'électricité grâce au mouvement des hélices sous-marines, sans abîmer notre planète. L'homme devra encore s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. Mais cherchons encore un peu. Des sources d'énergie qui se renouvellent sans cesse. Dans les profondeurs de la Terre, où règnent des températures très très très élevées, on trouve aussi une source d'énergie renouvelable, la chaleur. La chaleur, qu'on va capter par de longs tuyaux, fera tourner les grosses turbines d'une centrale géothermique, sans abîmer notre planète. De la chaleur? Mais il suffit de lever le nez. Qui dit mieux que le soleil? L'énergie thermique du soleil peut être captée pour transformer de l'eau froide en eau chaude, bien sûr. Mais le soleil possède une autre propriété, l'énergie photovoltaïque. Et l'énergie photovoltaïque du soleil peut être convertie en électricité. On peut installer des champs entiers de panneaux photovoltaïques, à condition de s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. Mais cherchons encore un peu. Y a-t-il d'autres sources d'énergie renouvelable ? La biomasse, les arbres et toutes les plantes. La biomasse est renouvelable, car si l'homme replantait les végétaux qu'il utilisait, il pourrait toujours en disposer. Sur notre planète, la Terre, il existe de nombreuses sources d'énergie inépuisables. On les appelle les énergies renouvelables. Des énergies pour améliorer le bien-être de tous les hommes qui pourront continuer à vivre mieux sur notre belle planète, la Terre. Ah ben ils sont tous pressés là. Jean-Yann, c'est à vous. Oh ben je devais bien donner mon tour. Ouais, vous savez, j'en ai entendu trop. Oui. Que les gens lisent le livre, c'est tout, ils verront. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Il est en vente à peu près partout. Et... Mais ça se passe quand? L'histoire là. Ça, c'est demain. C'est demain. Oui, ça a commencé déjà. Enfin, c'est quand même pas tout à fait demain, parce que la société française que vous nous décrivez, dans cette société, les gens ne travaillent plus qu'une demi-heure par mois. Oui, c'est pas vraiment une société française, hein, c'est une société mondiale. Mondiale, ah bon. C'est le monde entier. C'est ça, qui est comme c'est-à-dire ça. C'est-à-dire qu'au départ, on peut croire qu'il s'agit de la France, parce que la France est dirigée par le préfet de police uniquement. Puisque le régime automobile, la civilisation automobile a pris un essor considérable, le préfet est le maître incontesté du pays. On s'aperçoit bien vite que le préfet de police n'est pas seulement le maître de la France, mais le maître du monde. Et alors racontez-nous, il y a... Qu'en fait, on s'aperçoit même qu'il n'est pas vraiment... que le préfet de police qu'on voit à la télévision et qui parle est en réalité un mannequin en plastique avec un magnétophone... dont on remue la bouche et qui, en réalité, ça n'est plus qu'un cerveau. Le héros du livre s'appelle donc Robin Crusoe. Oui. Et puis, nous le prenons alors qu'il est dans sa voiture à l'Alma et il va à Porte d'Orléans. Et oui. Il dit, j'en ai pour un mois ou 15 jours. Il en a pour environ 15 jours, oui, pour rejoindre sa place de parking. Oui. Et quand il sera arrivé à sa place de parking, il faudra qu'il en a à nouveau pour 15 jours pour aller à son lieu de travail, où il ne travaille qu'une demi-heure par mois, puisque tout le restant est consacré à la circulation. Donc, par conséquent, les syndicats ont obtenu qu'il ne travaille qu'une demi-heure par mois. Et pourquoi tous ces gens roulent sans arrêt? Mais parce qu'ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien, il n'y a plus que des voitures, ils vivent, ils naissent, ils meurent dans les voitures. Ils ont le droit de temps en temps de se rendre sur un parking de fiançailles pour pouvoir... connaître une dame, éventuellement. Oh, il y a même des voitures confessionnales. Il y a des voitures, oui, parce que toutes les églises ont été transformées en parking, évidemment, mais le culte continue à s'exercer quand même. Donc il y a des voitures épiscopales et des voitures qui transportent les évêques et des voitures confessionnales pour que les gens puissent continuer à... Oui, mais tous ces gens-là sont dans leur voiture, et ils avancent très lentement, mais ils sont menacés. Et ils sont menacés sans arrêt de destruction parce qu'il faut les détruire, puisqu'on n'arrête pas de fabriquer des nouvelles voitures et qu'il y a des types qui n'arrêtent pas de naître dans les voitures. Les enfants ont leur permis de conduire à l'âge de 7 ans, donc par conséquent... Alors c'est affreux ce que vous racontez. Il y a quelques inventions de votre part, parce que c'est vous qui avez inventé tout ça. Oh, les inventions... Les clous à l'envers. Oui. Enfin, vous savez, les inventions sont... Les inventions sont pas pires que ce qu'on a fait dans les camps de concentration. Hein. Je veux dire, c'est-à-dire que ça paraît complètement extravagant parce que c'est dans un livre comique, mais en fait, il y a déjà des spécialistes qui se sont penchés sur la question et qui ont fait mieux. Bon. Sauf qu'il y a, par exemple, un certain nombre de choses comme les grandes charnières, parce que ça, c'est un truc qui me plaît bien. Les grandes charnières, c'est les quais de la Seine qui, de temps en temps, basculent pour libérer dans la Seine un certain nombre de véhicules emmerdants. Oui. Alors ça, c'est une bonne chose. Et puis, il y a les bétonneuses, les canons à bétonner, qui bétonnent, quand il y a par exemple un bouchon d'un kilomètre ou deux, bétonnent carrément sur les voitures, de façon à ce qu'on puisse avoir une voie neuve. Ouais. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Ça, je voudrais bien que ça soit mis au point. Il y a aussi les contractuels qui ont un rôle intéressant à jouer. Les contractuels n'ont pas changé, ils massacrent, ils tuent dans les voitures. Mais tout ça parce qu'au fond, c'est pour préserver l'espèce humaine. C'est pour préserver l'espèce humaine parce qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus avancer, on ne peut plus évoluer. Et le permis de conduire? Alors le permis de conduire est un permis... Ben, le permis de conduire, il est mis dans le... Il est greffé dans le cerveau. C'est-à-dire que les types qui ont leur permis de conduire l'ont dans le cerveau, il est relié aux organes moteurs de la voiture. Et évidemment, quand on supprime le permis de conduire, on arrache le cerveau en même temps, donc par conséquent, les gens sont morts. Oui. Et ce Robin Crusoe a beaucoup de chance. Il a de la chance, lui, parce que... Non, il a de la chance d'abord parce qu'il échappe à tous les pièges, oui. Et surtout, il a de la chance aussi parce qu'il échappe à la guerre, et que les contrôleurs de chance, qui sont les aides du préfet, veulent absolument savoir pourquoi il a autant de chance et pourquoi il n'est pas mort à la guerre. Et on lui fait subir de nouvelles épreuves. Et finalement... Donc il sort indemne, encore une fois. Il en sort indemne, encore une fois, parce qu'il est sauvé par le Front de Libération des Piétons, qui s'est réfugié dans le sous-sol et qui se nourrit de béton et de pissenlits par les racines. Donc par conséquent, le Front de Libération des Piétons creuse des galeries pour échapper à la civilisation automobile. Oui, on fait connaissance aussi d'un personnage tout à fait étrange, c'est le grand maître automobile. Alors le grand maître automobile, c'est le préfet. En réalité, qui a eu un accident et dont le cerveau est tombé sur les genoux d'un garde du corps qui avait des talents de mécanicien et qui a greffé ce cerveau sur les organes d'une voiture. D'une Rolls. D'une Rolls de cristal. Oui, une Rolls de cristal. C'est pour donner un côté joli. Oui. Et puis d'abord, parce qu'il faut que ça soit du cristal pour qu'on voit qu'il y a... Parce que je pense toujours, si un jour je fais le film, ça sera plus joli quand même en cristal. Mais alors, il y a une guerre épouvantable entre les piétons et les automobilistes. Oui. Là, vous inventez des... Là, vraiment, c'est épouvantable. On s'étripe, on s'égorge, on se lime, on fait bouillir les corps. Non, ils ont trouvé des choses... Bien, effectivement, il fait bouillir les corps, il les trempe dans les acides. Bon. Le truc formidable, c'est la machine à coudre. Oui. La machine à coudre. C'est-à-dire que pour arriver à détruire les piétons qui sont dans le sous-sol et qui vivent dans le sous-sol, on a mis au point une piqueuse à ventre qui est une énorme machine à coudre qui pique les gens dans le sol. Évidemment, c'est plus pratique. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, la chose qui me plaît le plus à moi, oui. Je vous le dis franchement, allez-y. C'est qu'il cherche un moyen pour détruire les flics et il a trouvé un moyen d'accélérer la croissance des stalagmites, ce qui fait que les stalagmites sortent du sol et les embrochent. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Oui. C'est possible, vous pensez qu'un jour on pourra... C'est quand même pas pour demain, comme vous le disiez au début. Vous savez, la stagnation de la police est telle que j'ai bien peur que ça, ça puisse arriver. Oui. Et vous innovez. Et Robin Crusoe innove toujours dans la voiture. Par exemple, on lui donne 60 secondes pour inventer trois jours. Et tout de suite, il invente alors le trois inventions. Nous installons sur chaque voiture un dispositif pose-gobelet, semblable à ceux que l'on installait jadis sur les sapins pour recueillir la résine. À chaque accident causant la mort d'un automobiliste, le dispositif fonctionnera et les gobelets récupéreront automatiquement le sang tout frais qui pourra servir pour sauver les malades. Évidemment, c'est évident qu'à chaque fois qu'il y a un accident, on a besoin de sang. Et il meurt une quantité impressionnante de gens sur la route tous les jours. Et dans aucune voiture, il y a un système pour récupérer le sang des morts. Oui. Donc on aurait 7 litres de bon sang frais dans chaque accident si on mettait seulement un récupérateur sur le volant. Et puis alors, les volants des voitures seront creux et contiendront du plasma. La manette du clignotant pouvant se transformer en aiguille à perfusion. Mais évidemment, système inverse. La colonne de direction contiendra un cœur en plastique. Oui. Bon, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Qu'est-ce que c'est? C'est contre l'automobile? Vous ne pouvez pas souffrir les automobilistes, les automobiles? Non, c'est pas vraiment les automobiles. C'est simplement que, il me semble que la civilisation et la société, pour employer des mots que tout le monde emploie, est menacée, mais que tout le monde croit qu'elle est menacée par les grandes catastrophes impressionnantes, c'est-à-dire par l'énergie atomique, par la guerre atomique, par la pollution, par tout un tas de choses. Parce que ce sont des choses qui vont arriver, qui peuvent arriver, qui vont être spectaculaires. Ou alors la société est menacée effectivement par la guerre, par l'endoctrinement militaire, par tout un tas de choses qui sont extrêmement graves. Mais elle ne voit pas que tout à côté d'elle, la folie commence au niveau de la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, si vous voulez... se détestent et sont prêts après à retomber dans ce que Cabu critique, simplement parce que depuis l'âge de 5-6 ans, les gosses sont dans des voitures habituées à la haine, à la colère, à l'énervement, au stress, à la folie, et puis on perd la boule avec cette histoire de voiture. Alors bon, on me dira qu'il y a d'autres choses, si vous voulez, il y a l'audiovisuel qui rend fou aussi, il y a l'audiovisuel qui lave le cerveau, il y a les discours politiques, il y a les meetings, il y a la presse, il y a l'information, mais les gens sont énervés par la voiture tous les jours parce que quand, par exemple, les gens se rendent compte de l'inégalité immédiatement dès qu'ils circulent en voiture. Vous avez, par exemple, un milliardaire à une grosse propriété, une famille modeste de travailleurs émigrés, habite un taudis, mais généralement, je ne dis pas que c'est bien, mais la belle propriété du milliardaire se trouve loin du taudis. Tandis que là, un travailleur émigré a une vieille caisse pourrie qui tombe en ruine et à côté de lui passe une Rolls qui coûte, je sais pas moi, 18 millions ou 20 millions, peut-être plus. Bon, le gosse, il dit, mais pourquoi il a une voiture comme ça, celui-là? Surtout si on lui enfonce l'aile en plus, si le mec, en sortant, descend et file de tarte dans la gueule à son père, en lui disant, toi, t'es bien fait, t'es qu'un bougnoul, et nous, on va repartir parce que moi, j'ai une cocarde, je veux dire. Donc, par conséquent, la voiture est le premier endroit où l'enfant doit pouvoir devoir prendre conscience que ça va pas très bien. Bon, je dirai pas comment votre roman se termine. Jean Dutour, qu'est-ce que vous pensez de L'Apocalypse est pour demain? Eh ben moi j'ai lu L'Apocalypse est pour demain avec beaucoup d'intérêt, comme si c'était le livre d'un romancier professionnel. Et je me suis dit que pour quelqu'un qui écrivait son premier livre, il avait bien travaillé, là, il avait été jusqu'au bout de son idée, il n'avait rien laissé passer, et c'est très impressionnant, toutes ces bagnoles, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, je crois que la fin de l'humanité, ou tout au moins une certaine catastrophe possible, arrivera d'une façon de ce genre, c'est-à-dire par un excès d'automobile, beaucoup plus que par la bombe atomique. C'est ce que dit Ivan Illich, mais il est moins drôle que Yann. Ah ben, il n'est pas drôle là-dedans. Hein. Assez terrifiant. C'est un Jean-Yann terrifiant, quand même. Ouais. Terrifiant, et puis alors, il tue les gens, il en tue plus que moi, quand même. C'est beaucoup plus, alors, de ton artisan. Non, mais si vous voulez, la mort des gens due à des choses comme ça n'est pas bien grave. Ce qui est marrant, c'est que dans le thème du livre de Yann, ça ressemble à... Enfin, c'est assez punk. Ça, c'est punk. C'est catastrophique, apocalyptique, horrible. Mais c'est écologiste aussi. L'écologie ne croit pas de cette façon-là. Enfin, elle brandit les menaces. Mais... Non, parce que l'écologie, c'est formidable, mais il faut reconnaître qu'il y a, une pollution extraordinairement agréable aussi, vous voyez. C'est vrai, moi, je disais dans le temps, enfin, on m'a reproché ça parce qu'un jour, j'avais dit, je bois, je fume et j'embrasse des dames malades, alors je me pollue comme un dingue. Et c'est vrai, je trouve que c'est formidable de se polluer quand on a envie de se polluer. Quand les gens disent, tiens, venez dans la maison, on va se polluer un bon coup, les gars, c'est quand même plus agréable. Oui, ce mot de polluer, d'ailleurs, n'est plus pris dans son acception du 19e siècle, ça ne signifiait absolument pas ça. Se polluer signifiait, vous me permettez que je le dise, signifiait se masturber. Oui. Oui. Ben, je ne me pollue plus depuis un bout de temps, mais je veux dire que... Bon. Complicité dans la débile, la méquette dans la mafia. Un coup de sourdine, dessus de combine, et t'avais ton radar. Tandis que toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est toi que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, mais la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pourliche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des poses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie de la mafia, se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui t'aiment, et la mafia, elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-mûches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille à son amour, à son amour. Et la la mafia qui se cavale. Carrefour loué sous la dalle. C'est pas comme pour la fringale. C'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, avec des X. Ou bien chanter en embûche les conneries qui plaisent aux riches. Alors que ça sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. Bonjour à tous. Vous l'avez vu ? Je n'ai pas pu faire de reportage sur la manifestation des cheminots. Les nervis qui m'ont empêché, protégé, voire même encouragé par la police, ont pour rôle d'utiliser la violence pour détourner notre attention afin qu'on ne parle pas du fond du problème. Alors le fond, le voici quand même. La privatisation de la SNCF que met en place Macron est une vaste escroquerie et je me propose de vous le démontrer en 4 minutes. Tout d'abord, analysons la stratégie employée. Focaliser notre attention sur le statut des cheminots qui, paraît-il, seraient des ultra-privilégiés. C'est une stratégie très perfide, car le vrai sujet, ce n'est pas leur statut. Ils servent simplement de hameçon pour nous faire avaler la totalité de la réforme qui va tous nous pénaliser. Car quoi qu'on pense de leurs avantages, et même si l'on estime qu'ils sont trop élevés, je rappelle qu'ils seront toujours infiniment inférieurs à ceux dont disposent les ministres et les conseillers qui décident de ces privatisations et qui jettent aujourd'hui les cheminots à la vindicte populaire. Ce sont les plus grands profiteurs qui nous donnent des leçons de morale et qui surtout nous opposent les uns aux autres. Car au fond, le problème, ce n'est pas que les avantages des cheminots soient trop grands. Le vrai problème, c'est que les acquis sociaux de tous les autres, de nous tous, sont en train de fondre comme neige au soleil depuis plusieurs décennies. On a voté pour des gens qui nous ont jetés dans la jungle de la mondialisation, les mains attachées dans le dos. L'État nous protège de moins en moins, c'est un fait. Et si l'on continue d'accepter docilement cette logique ultralibérale, comme Macron le souhaiterait, la suite c'est quoi ? C'est que nous descendions tous au niveau des travailleurs des pays de l'Est ? Puis des travailleurs chinois, pourquoi pas ? Nous coûtons trop cher, paraît-il. Il faut impérativement dire stop à cet engrenage de destruction du tissu social imposé par l'Union européenne. Car oui, la privatisation de la SNCF est simplement l'application d'une directive européenne. Elle fait partie d'un plan préparé de longue date. Ils ont étranglé à petit feu ce service public pour que ses prix montent, pour qu'on ne soit pas content, et pour pouvoir dire ensuite « Regardez, ça marche mal, il faut privatiser ». Mais c'est à cause de vous, et je m'adresse à ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans, c'est à cause de vous si ça marche mal. À partir de 1980, vous avez laissé la SNCF s'endetter à la place de l'État, ce qui a fait exploser sa dette. Et la SNCF s'endette bien sûr auprès des banques privées, puisque l'État ne peut plus la subventionner directement. Et les banques se gavent 1,5 milliard d'euros d'intérêts par an, et c'est pas fini, c'est une fuite en avant. Et on s'étonne que ce service public creuse son déficit chaque année. Forcément, quand on met volontairement la tête sous l'eau à quelqu'un, eh bien ce quelqu'un, il se noie. Et aujourd'hui, c'est vous qui noyez le poisson, en expliquant que la privatisation va tout résoudre. Vous êtes des menteurs. Qui parmi nous a ressenti les bénéfices de la privatisation des autoroutes ? Le prix des péages est un véritable scandale. La privatisation de la Poste par Sarkozy aussi est un scandale. Qui en a vu les bénéfices ? Y a-t-il eu une baisse des prix à la Poste ? Une amélioration du service ? Une amélioration des conditions de travail pour les salariés ? Qui a vu les bénéfices de la privatisation de l'électricité, de l'eau, du gaz, d'Air France, de France Télécom ? Non mais France Télécom, c'est une véritable blague. Orange s'est empressé de se mettre d'accord sur des prix élevés avec SFR et Bouygues. Ils ont formé un cartel. Ils ont même été condamnés par la justice pour ça. Et je ne parle même pas des nouvelles méthodes de management qui ont fait grimper le taux de suicide. Les prix montent partout lorsqu'ils privatisent. Et s'ils baissent, c'est uniquement au prix du sacrifice des salariés, c'est-à-dire de nous-mêmes. Les seuls qui gagnent vraiment, ce sont les actionnaires et les banquiers. Le gouvernement travaille pour eux. Nous, on y perd toujours à brader nos services publics. Car c'est bien ce que recouvrent les jolis termes qu'ils emploient, ouvrir le capital. Ils nous en fument. Attention, je ne dis pas que les services publics ne doivent pas être réformés et que tout va bien, non. Le grand piège qu'ils nous tendent, c'est de nous faire croire qu'il n'y a que deux alternatives. Le service public kafkaïen, inefficace, ou la privatisation. Nous devons refuser ces deux alternatives. On veut un service public efficace. Et c'est précisément le rôle du gouvernement, que tout fonctionne correctement. Avec des comptes publics équilibrés, sans excès ni profiteurs. C'est tout ce qu'on lui demande. Son rôle n'est pas de vendre aux copains ce que nous avons tous payé cher par nos impôts, nous, nos parents, nos grands-parents. Et une fois construit, à la sueur de notre front, les politiques bradent les services publics et on repaye tout ça plusieurs fois par la hausse des prix qui suit la privatisation. Et c'est logique que les prix montent. Il y a des actionnaires à rémunérer, des intermédiaires supplémentaires, des profits à générer. Le mythe de la privatisation heureuse est un conte pour enfants. Une aberration logique. Et ils sont malins, ils le font secteur après secteur, pour que jamais nous ne soyons solidaires les uns des autres. Hier, la Poste, France Télécom, EDF, GDF, aujourd'hui la SNCF, Demain, les hôpitaux, d'ailleurs ça commence déjà, la police, la justice, allez savoir. Ce sont des fous qui nous gouvernent. Ils se font passer pour des anges, pour des gens très compétents, mais ce sont des escrocs de grande envergure. Et cette réforme pour un nouveau pacte ferroviaire est une escroquerie qui transcende les clivages politiques. Qu'on se sente de droite ou de gauche, peu importe. On est en train de se faire avoir, une fois encore. Il est urgent de sortir de ces clivages partisans stériles. Ce qu'ils veulent, c'est que nous soyons divisés. Et pour l'instant, ça fonctionne. Il y a la nature qui est tout en sueur. Dans les hectares, il y a du bonheur, c'est un pont. Il y a des villas qu'on n'aime plus le temps. De se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est printemps. Il y a du blé qui se fait du mouron, les oiseaux, eux, ils disent pas non, c'est printemps. Et à nos chagrins qu'ont des couleurs, il y a même du printemps chez le malheur. Il y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet, c'est printemps. Il y a des nuages qui n'ont plus de froid. On dirait de la balle, papa, c'est printemps. Et à le vent du nord qui a pris l'accent, avec Mistral il passe son temps, c'est printemps. Et à la pluie qui est passée chez Dior, pour se payer le modèle Soleil d'Or. Et à la route qui se fait nationale, et des fourmis qui se font la malle, c'est printemps. La luzerne au fond des lits, et puis faucheur qui lui sourit, c'est printemps. Et à des souris qui se font les dents, sur les mains tout par conséquent, c'est printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la Sixtine qui sort la nuit. Il y a la nature qui se tape un col. À la santé du rossignol, c'est printemps. Et un Beaujolais qui la ramène, et Mimi qui se prend pour Carmen, c'est printemps. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène, et puis Paris qui s'y promène, c'est printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue, et des ballons. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Costa Rica, un petit pays qui a pris plusieurs initiatives, à mon avis assez exemplaires. C'est l'un des rares pays à avoir décidé de ne pas exploiter le pétrole présent dans son sous-sol. Il se donne les moyens d'atteindre neutralité carbone et autonomie énergétique d'ici 2021. Et le pays a supprimé toute force de défense nationale. Il n'y a pas d'armée au Costa Rica. Alors, est-ce que c'est reproductible? Et en tout cas, comment ça marche? Le Costa Rica se trouve sur l'isthme centre-américain, il a pour voisin le Nicaragua et le Panama. Le pays est riverain à la fois de l'océan Pacifique et de la mer des Caraïbes. Avec 1300 km de côte, le pays fait 51 100 km² et compte presque 5 millions d'habitants. Trois chaînes volcaniques se succèdent au centre du pays, elles abritent 6 volcans actifs. Le climat y est tropical, mais il varie avec l'altitude, et dans la vallée centrale, il est tempéré toute l'année, c'est pourquoi la population s'y concentre particulièrement. Et dans cette zone, on trouve San José, la capitale, les villes d'Alajuela, Heredia et Cartago. Elle regroupe 53% de la population et c'est le cœur économique du pays. Donc justement, voyons comment fonctionne l'économie du Costa Rica. Elle est surtout tournée vers l'export. Il y a les produits agricoles d'exportation traditionnels, L'ananas, le pays est le premier exportateur mondial. La banane, troisième exportateur mondial. Et le café. Et dans le secteur des hautes technologies, comme les logiciels informatiques ou les pièces aéronautiques, le Costa Rica est devenu le premier exportateur d'Amérique latine, notamment grâce à la création de zones franches, à l'image de America Free Zone, située au nord-ouest de San José. Les coûts de la main-d'œuvre y sont supérieurs à ceux pratiqués en Chine, mais 30% moins élevés qu'aux États-Unis. Le pays est aujourd'hui le deuxième récepteur d'investissements directs étrangers en Amérique centrale, derrière le Panama. Le Costa Rica combine à la fois une position géographique au centre du continent, des avantages fiscaux, la stabilité politique et un niveau de formation élevé, et ce plus que dans les autres pays d'Amérique centrale. Alors pourquoi ? Ce pays a décidé de ne plus avoir d'armée. Sur cette photo de 1948 qui montre la cérémonie d'abolition de toute forme d'armée dans le pays, vous voyez le président José Figueres Ferrer détruire symboliquement le mur des quartiers généraux de l'armée à San José. Cette abolition de l'outil militaire national a aidé le Costa Rica à échapper aux guerres civiles qui ont dévasté la région dans les années 1970 et 80. Voilà pourquoi ce pays est considéré comme la démocratie la plus stable de la zone. Mais surtout, en mettant fin aux dépenses militaires, le pays a pu augmenter les budgets alloués à la santé et à l'éducation, qui représentent chacun un quart des dépenses publiques. Eh bien, c'est là une configuration tout à fait rare dans le monde. Regardons maintenant l'indice de développement humain du PNUD, car il prend en compte les trois critères que l'on vient d'évoquer, économie, éducation, santé. Le Costa Rica se trouve au 68e rang mondial en termes d'IDH, et en Amérique centrale, seul le Panama se place devant, à la 65e place. On a donc un pays au développement humain élevé, et où les autorités de plus ont fait des choix forts en termes de politique environnementale. Vous voyez ici les blocs pétroliers en 2011. Depuis cette année-là, un moratoire interdit l'exploitation pétrolière dans le pays. Instauré initialement pour une durée de 3 ans, le moratoire a été confirmé par la nouvelle présidence lors de la conférence sur le climat en septembre 2014 à New York. Dès lors, par quoi remplacer le pétrole ? Eh bien, en développant les énergies renouvelables. La principale source d'énergie disponible dans le pays est l'eau. Le pays compte une vingtaine de centrales hydroélectriques. Et il construit le plus grand barrage hydroélectrique d'Amérique centrale, El Diquis, dont la mise en service est prévue pour 2016. Il y a également la géothermie, c'est-à-dire transformer la chaleur du sous-sol en énergie, avec 4 centrales géothermiques actives sur le flanc du volcan Miravelles et une 5e entrée en service en 2011 sur le volcan Rincón de la Vieja. Donc le Costa Rica, traversé par les chaînes volcaniques, on l'avait vu, a donc su tirer parti de son potentiel géothermique. Le pays dispose aussi d'une 10aine de fermes éoliennes. Et enfin, il y a la biomasse, c'est-à-dire la technique transformant les déchets en énergie par combustion, et le solaire. Résultat, la production électrique d'origine renouvelable atteignait dans le pays près de 92% en 2012, et la performance a été améliorée depuis. Début 2015, le Costa Rica produit 100% de son électricité à partir d'énergies renouvelables. La quasi-totalité est issue de l'énergie hydraulique, aidée en cela par des pluies abondantes lors de la saison humide. Donc, le Costa Rica montre que les énergies renouvelables peuvent être un modèle qui fonctionne. Sauf que ce modèle fonctionne au Costa Rica parce que le pays a des caractéristiques topographiques qui se prêtent à l'énergie renouvelable, il n'abrite que 5 millions d'habitants et il y a peu d'industries énergivores, l'économie étant principalement tournée vers le tourisme et l'agriculture. Donc le modèle n'est pas facilement reproductible ailleurs. De plus, le fonctionnement complet à partir d'énergie renouvelable pose des problèmes. Une sécheresse pourrait perturber la capacité du pays à produire son électricité. Voilà pourquoi les autorités ont décidé d'aller plus loin. En 2014, elles ont approuvé un investissement pour développer des installations géothermiques près du volcan Rincón de la Vieja, de près de 1 milliard de dollars. La géothermie permet de ne plus être tributaire des précipitations, de produire de l'électricité en continu, avec des coûts d'exploitation inférieurs à ceux d'autres énergies renouvelables. Ce projet représente une étape cruciale pour atteindre l'objectif de San José, car le pays veut devenir le premier pays neutre en émissions de carbone en 2021, en réduisant les émissions ou en les compensant par la reforestation. Car les arbres absorbent le principal gaz à effet de serre présent dans l'air, le CO2, et l'emprisonnent dans le bois. Aujourd'hui, le couvert forestier du Costa Rica représente plus de la moitié de la superficie du pays. Mais si on regarde la courbe de son évolution, on voit que, en 1950, les trois quarts du territoire étaient couverts. Dans les décennies suivantes, le chiffre baisse jusqu'à atteindre 21% en 1987, en raison de l'exploitation forestière et de l'agriculture à grande échelle. Et après 1987, la tendance s'inverse, notamment grâce à l'intervention de l'État, qui adopte en 1996 des mécanismes dits de « paiement pour services écosystémiques ». C'est-à-dire que les propriétaires terriens forestiers, s'ils appliquent des mesures de protection de leurs forêts, reçoivent des fonds venant du National Fund for Forestry Financing, le FONAFIFO. Et dans les prochaines années, les autorités espèrent atteindre l'objectif de 60% du territoire sous couvert forestier, en conformité avec l'objectif de neutralité carbone en 2021. Et de plus, face à la menace grandissante que représentait la déforestation, environ un quart du territoire a été aménagé pour être protégé. Car la géographie du pays, au centre de l'isthme centra-américain, produit une multiplicité d'écosystèmes qui abritent une exceptionnelle biodiversité, floristique et faunistique. Et cette politique environnementale du Costa Rica a d'ailleurs été distinguée à l'échelle internationale avec la première place au classement Happy Planet Index de la New Economics Foundation, un institut britannique qui dresse le classement de 143 pays selon leur indice de bonheur. Donc, énergie renouvelable, reforestation, aires naturelles protégées, on a là une politique pionnière en matière de défense de l'environnement, et de plus le pays valorise économiquement ses ressources écologiques. Le littoral compte de nombreuses stations balnéaires et des spots de surf. La côte pacifique, qui est accidentée, est plus ouverte au tourisme que la côte caraïbe, caractérisée par des plaines marécageuses et des mangroves. Le pays s'est lancé dans l'écotourisme, un tourisme durable, sur le long terme donc, qui ne dégrade pas l'environnement naturel et humain, qui contribue à la préservation de la ressource et qui a vocation à améliorer les conditions de vie des populations locales. Selon l'Institut costaricain du tourisme, les arrivées de touristes sont passées de 260 000 en 1986 à 2,5 millions en 2014, soit une progression de 1000% en 30 ans. Résultat, le pays constitue aujourd'hui la première destination touristique d'Amérique centrale, devant le Panama, le Guatemala et El Salvador. Les touristes sont majoritairement américains, à peu près 40% du total, et nicaraguayens, 18%. Et ce secteur d'activité contribue à hauteur de 5,5% du PIB, et il est devenu la première source de devises du pays. Alors le tableau que je viens de vous présenter est évidemment un petit peu idyllique. Le pays peut très bien se laisser déborder par la progression du tourisme de masse, les intérêts économiques de court terme pouvant l'emporter sur les enjeux écologiques de long terme. Sa marge de manœuvre face aux États-Unis est faible. Par exemple, sur le secteur des hautes technologies, l'américain Intel est dominant sur les exportations et il a supprimé 1 500 emplois sur 2 700 au printemps 2014. Le chômage est en progression, plus de 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté, mais tout de même, il était tentant de tirer les enseignements de ce petit pays laboratoire. Alors vous pouvez lire utilement « Géopolitique de l'Amérique latine et de la Caraïbe » de Christophe Ventura aux éditions Armand Collin, et aussi vous amuser à aller consulter le classement du Happy Planet Index de la News Economic Foundation. C'est très intéressant de voir comment l'indice du bonheur est calculé et je vous en donne l'adresse sur le site du Dessous des cartes sur arte.tv. ambiancer ces meetings, Raphaël Glucksmann fait appel aux éléphants du PS, Martine Aubry ou Bernard Cazeneuve. La productrice des meetings PS Place Publique est avec nous. Ouais, salut, ouais. Raphaël a fait appel à moi pour moderniser, relancer sa campagne. Moi, quand on me dit modernité, ambiance, jeunesse, je pense immédiatement Bernard Cazeneuve. On sait jamais le dernier pour se marrer, hein. Entre nous, on l'appelle Bozo le clown. C'est vrai que Raphaël Glucksmann, il a un petit déficit de charisme. C'est pour ça que je fais pas venir Jean-Marc Ayrault au meeting, de peur qu'il fasse de l'ombre. J'ai même pensé à appeler Michel Rocard, mais bon, il est mort. Ça m'est venu quand Raph m'a dit « On n'a qu'à faire monter sur scène un hologramme de Jospin ». Moi, j'ai fait mes preuves là-dedans. Hein, la tournée achetant des têtes de bois, vous connaissez ? Faire du vieux avec des vieux. Ah bah, c'est moi. C'est Bibi. Bah là, j'ai fait pareil. Pour relancer la campagne de Glucksmann, j'ai ressorti les éléphants. Ça va mettre le feu. Les politiques et les chanteurs, c'est pareil, vous savez. Hein. Dès qu'ils sont plus dans la lumière, ils sont prêts à tout pour revenir. Émile et Images, ils acceptent de pas être payés. Bah, Cazeneuve, c'est idem. Même Christiane Taubira vient chauffer l'ambiance. Par contre, j'ai prévenu Raphou. Hein. Taubira, elle fait des phrases avec des mots, les gens percutent pas. Hein. Donc j'ai dit, faites gaffe, ne vous lancez pas dans un débat philosophique. Sinon, vous allez perdre vos électeurs. Puis je me suis rappelé que... Ils les ont déjà perdus. Bon, allez, allez-y, alors faites-vous plaisir avec Nietzsche, Deleuze, c'est pas grave. Allez, mon plus beau coup, ça reste quand même Najat Vallaud-Belkacem, 42 ans. Elle divise la moyenne d'âge par deux à elle toute seule. Ben, je sais bien, parce que l'an passé, j'ai rajeuni la tournée achetant des têtes de bois en faisant venir Julien Clerc. Donc je sais. Alors moi, je suis là pour relancer la campagne de Raphaël. Léa Salamé m'a dit, faut absolument qu'il gagne. Hein. Sinon, je vais devoir retourner bosser avec cette bande de broquignoles. Surtout la petite belge qui fait que te moquer de mon Rafou. J'ai bon espoir de faire venir Hollande aussi, facile. Il suffit d'attendre que Macron s'exprime, puis vous laissez traîner un journaliste et un paquet de croissants, il mord à l'hameçon. Voilà. Je vois bien que les autres essayent de me piquer mon savoir-faire. Raffarin qui soutient l'oiseau, un ancien conseiller de Chirac embauché comme conseiller à l'Élysée. Si ça continue, Apple va relancer le Minitel. À Lille, j'envoie Martine Aubry. Je lui ai promis qu'elle pourrait dire du mal de Macron et de Hollande, de Hamon. Et de Jadot. Et de Glucksmann. Ah non, pas Glucksmann, pardon. Voilà. Faut juste que je vérifie que les meetings sont pas à la même heure que des racines et des ailes, hein, parce qu'une fois j'ai fait ça pour un concert, puis il y a eu personne dans la salle. Merci, Charline Vanhoenacker. Pourquoi privatiser les services publics? Dans une vision moderne de l'économie, ces services, qui appartiennent à la collectivité, doivent plutôt être vus comme des opportunités d'investissement qui peuvent générer des milliards de bénéfices. Il faut les vendre. Ces 30 dernières années, on a eu la chance de voir de nombreuses privatisations. Par exemple, en Allemagne de l'Est, où il a été possible de racheter des centaines d'entreprises publiques à très bas prix, grâce à une équipe de liquidateurs internationaux, sans devoir demander l'avis de la population. Au Royaume-Uni, ce sont les chemins de fer qui ont été rachetés par des entreprises privées. Belle opération, car en moins de 3 ans, elles ont récupéré en subsides ce qu'elles avaient dû dépenser. À Paris, la distribution d'eau était entièrement passée dans les mains du privé. Malheureusement, la ville a tout racheté en 2001, car la population en avait marre de payer un peu plus et avait compris que les canalisations n'étaient plus entretenues. Heureusement, grâce à la crise, la population n'est plus un obstacle, car l'Union européenne exige les privatisations pour prêter l'argent. En Italie, bien que 95% de la population se soit prononcée en 2011 contre la vente de la distribution d'eau et que cela ait été inscrit dans la Constitution, l'Union européenne et les corporations continuent à faire pression. En Grèce aussi, les chemins de fer, la poste, des îles et la distribution d'eau sont à vendre pour une bouchée de pain et malgré la résistance de la population, c'est le moment de faire des affaires. Leur chantait des tas de chansons, Désiré, toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des tricks. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça. Les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après, pom pom pom pom pom pom. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils, qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch et un jean, fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils vont voter, et puis après, pam, pam, pam.